Cet été je fais la malade, j'ai rien. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le pétou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le Jack Algeria. Cet été je fais la malade, j'ai rien. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le pétou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le Jack Algeria. Cet été je vends de la moula, y'a le zinc qui va se marier. Chapeau de paille dans le secteur, je suis cramé. Cette année sous les palmiers, toujours en total MD. On prend le monde, on fait trembler ton quartier. J'ai comme un qu'il monte à l'icône. On est au bled sur les broliques. Derrière. Le poteau est éminique. Moula. Demande à oiseau en linique. Ewa. J'ai ça la panne, la vista femelle et mes pistes. J'ai pris le monde, j'm'en balaise de ta mise. Ils sont jaloux dès que j'ai vu le vice. Mon pote qui est une le petit glisse. Termine le pied, tous les ans on style vers Alger. J'me taille vers la côte avec un flan bonnet. Topino, c'est moi, j'sais que ça aime. Cet été j'fais la malade, j'ai rien. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le pétou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le Jack Algeria. Cet été j'fais la malade, j'ai rien. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le pétou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le Jack Algeria. Mon pote a purgé, il lui reste encore une peine. Il a dit à la juge normal qu'il le sang de la veine. On est des rajels, on prend le monde par centaines. Cet été Khenchladjé ou peut-être Moussagane.